Leçon 5, page 89. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont compté plus que d'autres dans ton apprentissage des langues ? Oui, très exactement. Je garde un souvenir très vif de mon premier cours d'espagnol en classe de seconde. C'était ma troisième langue vivante après l'allemand et le russe. Le premier jour, l'enseignant est arrivé avec sa guitare et nous a dit « Si vous voulez parler espagnol, il faut apprendre à chanter ». Il a commencé à jouer et on a chanté des chansons. Par la suite, la musique latino-américaine est devenue comme une seconde patrie. Et lorsque j'ai commencé à voyager en Amérique latine, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. Une fois, je devais prononcer un petit discours en espagnol devant des collègues. Et je me suis sentie très émue. Depuis, j'ai beaucoup réfléchi à cette dimension affective. Je retrouve dans cette langue un continent perdu. J'y retrouve la première langue de mes grands-parents, l'occitan. J'y retrouve donc aussi mon enfance, les vacances à la campagne, bref, tout l'univers magique de mes jeux d'enfant.